Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission En piste avec Tania Baudin. Vous l'aurez deviné, avec Tania Baudin, on est ensemble pour la prochaine heure. On va bien évidemment discuter de courses automobiles et écouter de la musique style country. Pour vous aujourd'hui, eh bien c'est comme une petite nouvelle en fait, je l'ai annoncé ce matin à l'émission matinale Assemblage requis, mais pour certains autres, peut-être que vous avez vu le post des dernières minutes sur Facebook, mais aujourd'hui c'est la dernière émission avant le congé des fêtes. Eh bien oui, parce que non seulement les fêtes s'en viennent, mais il y a plusieurs séries de courses qui viennent tout juste de terminer leur saison. Alors on se souvient quand même assez souvent que dans le temps de novembre, décembre, janvier, peu importe où, il y a comme une petite descente dans le monde de la course automobile. Alors bien évidemment, bien nous aussi, on va faire une petite pause de ce côté-là pour l'émission, mais ça ne veut pas dire que l'émission d'aujourd'hui ne sera pas bien remplie. Oh que non! Parce que sans plus attendre, je vais vous donner le plan de l'émission d'aujourd'hui. En fait, on va commencer l'émission différemment des autres semaines. En temps normal, j'aime bien commencer l'émission en parlant de ce qui s'est passé dans le monde de la course automobile dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Mais là, aujourd'hui, en fait, j'ai avec moi un invité surprise. Oh que oui! Alors, avant de faire le retour sur ce qui s'est passé durant la dernière semaine, c'est ce qu'on va faire en début d'émission. On va jaser un petit peu de la conduite sur la route, mais mondialement. Donc, vous allez voir, ça va être très intéressant. On va aussi discuter aujourd'hui de Québécois qui sont un petit peu sur la map grâce à la course automobile, que ce soit grâce à leur talent de pilote, que ce soit grâce à leur domaine d'études. Alors, vous allez voir un petit peu plus tard dans l'émission. Et bien évidemment, on va faire le tour de ce qui s'est dit un petit peu sur le monde Internet par rapport au monde de la course automobile ou encore aux pilotes, les rumeurs, tu sais, ce qu'on aime patiner un petit peu sur Facebook, Twitter, Instagram, puis tout ça. Eh bien, bien évidemment, ça va venir en fin d'émission, donc ça va être notre dernier segment. Mais on va commencer tout ça avec de la bonne musique. On va aller écouter un nouvel artiste que j'ai découvert cette semaine. Il s'appelle Brad Filatre. Je l'ai fait découvrir aux auditeurs de l'émission du matin un petit peu plus tôt, si je me souviens bien, c'est lundi. Artiste canadien, de style soul, country, vous allez voir, c'est quelque chose qui colle à la peau assez facilement. Alors, on va aller écouter Heart Will Lead et au retour, on va avoir un invité. OK, non, il y aura pas de musique pour le moment. Petit problème technique de ce côté-là. Je vais tout simplement essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Mais pendant ce temps, laissez-moi discuter avec vous de l'invité justement que l'on va recevoir dans quelques instants. Ça va être mon co-animateur du matin, Mathieu Plante. Comme je l'ai dit, on va discuter de conduite de la route parce qu'on s'est posé une question ce midi, en fait, à savoir qu'est-ce qui faisait la différence entre conduire à gauche et conduire à droite de la route versus dans le véhicule. Nous, ici, on conduit à droite et beaucoup de gens, en fait, en Europe, conduisent à gauche. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va faire comme différence. Est-ce qu'il y a une raison à tout ça? Et est-ce qu'on pourrait démystifier aussi qui des deux est comme le meilleur conducteur selon la place où tu es dans le véhicule? Mais tout ça au retour. Alors, je l'ai dit, on s'en va écouter Brad Filatre avec Heart Will Lead. Et au retour, on discute avec Mathieu Plante. Just out of Brad Filatre avec la pièce Heart Will Lead. Vous pouvez retrouver tout ça sur l'album qui s'appelle Strangers. C'est un album qui est sorti depuis quelques temps, mais comme je vous le disais tout à l'heure, artiste canadien, c'est super bon. En tout cas, moi, maintenant que j'ai mis la main sur l'album, je pense que j'ai écouté ça dans ma voiture une couple de fois. Tout à l'heure, je vous ai un petit peu vendu le punch en début d'émission. Invité surprise en studio avec moi, c'est très rare que j'ai un invité. C'est rare en fait que moi je suis derrière la console ouais. et que toi tu n'es pas derrière la console. C'est Mathieu Plante qui est avec moi en studio. Mathieu, je t'ai demandé de venir dans l'émission ce midi. C'est quelque chose qui s'est vraiment décidé à la dernière minute. Vraiment. Je me souviens même plus pourquoi on a commencé à discuter de ce sujet-là, mais on a commencé à discuter de la différence entre conduire à gauche et conduire à droite de la route. Ici, au Québec, puis au Canada, on conduit à droite de la route, mais on est à gauche dans le véhicule. Ouais. Ça semble être différent aussi sur Internet. On a fait toute notre recherche. Pendant qu'on parlait. pendant qu'on mangeait notre salouche au bœuf braisé, c'était écœurant. Ah, c'était vraiment bon. La raison pour laquelle j'ai parlé de ça en premier, c'est que j'ai vu une publicité d'auto à la télé, et c'était écrit en bas. C'est tout le temps écrit ça et ça m'a toujours intrigué. C'est écrit modèle européen montré. C'est et c'est des annonces nord-américaines. Donc je me suis demandé, ah, ben, si le modèle européen, donc ça doit conduire du côté gauche Exactement. Avec le chauffeur à droite, ça n'a pas de sens. Et là, on a de fil en aiguille trouvé les pages Wikipédia et des renseignements pour dire qu'il y a des pays qui sont à droite, il y a des pays qui sont à gauche. Peu importe le continent, il y a plein de sortes de places. Et ça m'a amené à aller voir historiquement pourquoi est-ce qu'on conduit de chaque bord de la route. Hein? Ben oui, pourquoi est-ce qu'on conduit de chaque bord de la route? Pourquoi? Ben on va se le dire. On va se le dire. C'est super important, le sens, parce qu'en plus, non seulement on conduit d'un bord, mais ça affecte l'ordre de priorité, ça affecte le dépassement, le positionnement, les panneaux de circulation, les ronds-points qui vont dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ailleurs dans le monde quand Exactement. Tu conduis à gauche. Donc, historiquement, on retourne à l'Antiquité, toi. OK. L'Antiquité. Mon Dieu, si loin que ça. Oui, oui. La coutume de circuler à gauche peut être retracée jusqu'en Grèce, Égypte et Rome antique. Les soldats, principalement droitiers, marchaient à gauche, de même que les cavaliers, portant leurs boucliers et leurs fourreaux à gauche afin de pouvoir dégainer leur épée plus facilement. Oh, okay. Les conducteurs de chariots roulaient également à gauche, comme en attestent les ornières des routes plus importantes à gauche qu'à droite à la sortie des carrières, le poids des chariots une fois chargés étant plus important. Ensuite, au Moyen-Âge, on dit qu'on circulait à gauche sur les chemins, on tenait les rênes de la main gauche afin de pouvoir plus facilement tirer l'épée, encore une fois, avec la main droite en cas d'attaque ou d'adresser plus aisément d'amicales salutations. Hey-ho! Hey-ho! Cette théorie ne semble pas avoir de fondement historique. Aucun écrit l'atteste. On peut supposer cependant qu'ils allaient plutôt sur le centre des chemins, là où ils étaient le plus praticables. J'imagine que les côtés de route étaient boiteux, je ne sais pas trop comment mal fait. Probablement, oui. Et que l'attaque d'un adversaire situé sur la gauche de la route serait plus difficile à parer. De plus, cette explication ne dit pas ce qu'étaient censés faire les chevaliers gauchers, comme toi, et voilà. Ni comment cette tradition se serait perpétuée à travers les siècles. Et là, donc, on revient plus au présent. Il y a eu des changements de circulation okay. à travers le temps aussi. Ben oui, c'est vrai. On dit que on va recommencer avec les premières automobiles donc qui avaient le frein à main à l'extérieur du côté droit pour pouvoir être serré de la main la plus forte. La mm-hmm. plupart des gens ont plus de force à droite. Le poste de conduite se trouvait donc à droite et à cette époque-là, la manœuvre du croisement était délicate. Sur des routes étroites, les véhicules devaient s'éloigner l'un de l'autre autant que possible. Pour réaliser au mieux cette opération, le conducteur devait se tenir du côté du bas côté de la route afin de voir si les roues ne sortaient pas de la route. Mm-hmm. Fait que tu vérifies si tes roues étaient encore sur la route. Si, étaient bien sur la route. Donc, c'est ça. Comme je disais tantôt, il y a des changements qui ont eu lieu à travers les années et on a vu aussi ce midi des pancartes montrées entre différents pays avec un triangle blanc et rouge mm-hmm. Avec un X dessus pour dire vous êtes en train de passer dans une zone où vous allez devoir changer de bord. Changer de côté, exactement. Puis on a aussi découvert, en fait, qu'il y a beaucoup plus de gens, beaucoup plus de pays dans le monde qui conduisent comme nous ici au Canada, contrairement à ce que plusieurs pensent. Par exemple, comme nous, il y a 163 pays mm-hmm. contre 76 qui conduisent simplement de l'autre côté. Et on a aussi trouvé un article qui disait que peut-être que c'était plus sécuritaire de conduire le contraire de ce que nous on fait. Ben, je me demande, ouais, c'est ça, par rapport aux angles morts ou par rapport à traverser la rue, je sais que j'ai vu un petit tableau disant que dans la tête des gens, quand t'es, mettons, tu veux traverser la rue, mm-hmm. nous, on va regarder quoi, à droite en premier ou à gauche? Gauche, droite, gauche. C'est ça, donc les piétons qui vont, quand on conduit, quand le trafic est à gauche, on regarde à droite en premier, et quand le trafic est à droite, comme nous, on est supposé regarder à gauche en premier. Fait qu'on fait gauche, droite, mais ils font droite, gauche. Exactement. C'est comme le contraire complètement. Semblerait que si par exemple, nous, bien évidemment, on roule à droite de la route, mm-hmm. donc c'est-à-dire, on roule à droite du centre de la route où on va croiser le trafic. Ouais. On apprend souvent, en cours de conduite ou peu importe si on n'a pas eu de cours de conduite puis c'est nos parents qui nous ont appris à conduire, qu'il faut rester dans le milieu de la voie. Ouais. C'est beaucoup plus sécuritaire comme ça que de coller la ligne jaune, bien évidemment. Mais si on fait comme dans d'autres pays et qu'on roule à gauche de cette fameuse ligne-là, bien ça fait tout simplement de chaque côté éloigner les voitures. Mmh. Donc, en quelque sorte, c'est vrai que ça évite les contacts entre, par exemple, un face-à-face. Mmh. Donc, ça peut être, à un certain point, plus sécuritaire. Ce qui m'a surpris en regardant, c'est les camions de Poste Canada, entre autres, qui conduisent, eux, à droite dans leur camion, mais ils sont à droite aussi sur la route. Mmh. C'est bizarre un peu pour être, j'imagine, du bord où tu livres le courrier. Et oui, aussi, exact. Ça disait dans l'article sur Wikipédia que les camions sont importés du Japon. Mm-hmm. Aussi, donc j'imagine que c'est la raison pour laquelle on a dû apprendre. Ben, probablement parce qu'au Japon, c'est de ce côté-là qu'ils c'est conduisent. Ça, et ici, on s'est dit ben ça va aller beaucoup plus vite. Il va juste avoir à sortir et il ne sera pas face au trafic. Mm-hmm. Il va être, au contraire, face à la maison où il s'en va ou au commerce. Donc, de ce côté-là, c'est quand même une bonne chose. Ouais. Veux, veux pas. Et tu m'expliquais aussi qu'à un certain point, dans l'histoire de l'automobile, on avait le choix du côté où on allait mettre notre volant. Absolument. C'est vraiment bizarre de savoir ça, mais ça existe. Puis il y a encore des véhicules qu'on peut choisir de quel bord, qui sont comme modifiables. Mm-hmm. Et quand tu peux modifier la voiture, tu peux aussi modifier d'autres affaires, parce qu'on n'y pense pas, mais quand tu es de l'autre bord de la route, il faut aussi que tu changes les lumières, parce que la lumière qui est de ton côté gauche, pour nous, éclaire un petit peu moins pour pas aveugler les autres, et la lumière de droite va plus loin un peu. Donc là, on peut échanger. J'imagine qu'on va changer le bouton on-off de la radio aussi pour le volume. Je sais pas. Hein? 89.1 est peut-être du bord... Peut-être de l'autre côté que celui-ci. Il y a des autobus aussi qui conduisent, dépendant des autobus ou des métros des deux côtés, mm-hmm. dépendant de la région. Il y en a qui vont avoir des portes de chaque côté et dépendant de la région où ils vont pouvoir arrêter d'un bord ou de l'autre. Puis il y en a qui arrêtent aussi au milieu. Je pense que tu me disais qu'à Montréal, ils arrêtent au milieu. Exactement. Fois. Montréal ou encore Toronto, ça arrive qu'il y ait des arrêts où c'est entre un boulevard. Donc, les deux côtés vont s'ouvrir en même temps pour que l'on puisse aller de chaque côté du boulevard. Ce qui est quand même cool, en fait, un petit peu partout dans le monde. Ça fait différent aussi. Et même ici au Canada, dans le début des années 1900, on pouvait retrouver des gens et des régions où, en fait, on allait conduire du sens contraire de ce qu'on conduit aujourd'hui. Mm-hmm. Présentement, c'est un petit peu plus semblable partout au Canada, mais dans le début des années 1900, c'est quelque chose qu'on voyait ici même au Canada, dans différentes régions, où on pouvait justement avoir quelqu'un avec un véhicule qui roule à droite, tandis ouais. qu'un autre va rouler à gauche. Vraiment. C'est ça, je suis en train de regarder sur le Canada, moi aussi. Jusqu'en 1947, à Terre-Neuve-et-Labrador, le trafic était à gauche. Et ça a rejoint le reste du Canada en 49. C'est quand même pas mal récent. Oui, quand même. C'est ça. Je regardais d'autres pays qu'on pourrait connaître, mettons les États-Unis, pour le fun de se renseigner. Une loi imposant la conduite à droite est votée en 1792. Tu vois que c'est vraiment okay, loin avant ça. L'État de New York ne changea de sens qu'en 1804 et le New Jersey en 1813. Aujourd'hui, de tous les territoires américains outre-mer, seules les îles vierges américaines font exception et roulent à gauche. OK. Même les territoires qui appartiennent aux États-Unis. Et il y a des régions, il y a des pays où il y a plusieurs régions qui sont de différents sens. Comme on l'a dit tantôt, des fois, il y a des pancartes, des fois, il y a des feux de circulation pour vous dire de changer de bord. Et il y a même des fois, parce que je me dis, c'est le fun d'arrêter et après ça, prendre conscience que tu vas changer de bord. Mais il y en a où c'est vraiment seamless. T'as pas de transition entre les deux. T'es à droite, puis là, soudainement, t'es rendu à gauche. Fait que là, ta tête, elle capote, là. C'est sûr. Parce que tu tournes pas de la même façon, tu regardes pas de la même façon derrière toi ou ses côtés. Il semblerait aussi que si on conduit à gauche du trafic, donc c'est-à-dire à droite dans le véhicule, ça aurait un lien direct avec notre côté du cerveau qui réagit le plus vite, qui est le plus rationnel. Oui, c'est ça. Donc, ça serait une bonne chose, en fait, que de conduire du côté droit dans le véhicule, mais du côté gauche de la route. C'est ça, parce que il me semble que ça a plus de sens. Et là, moi, premièrement, tu m'invites ici en tant que piéton. Oui. Ben oui, c'est vrai, parce que, faut le dire, Mathieu Plante n'a pas de permis de conduire. Mais bref, je me dis qu'il me semble que c'est plus logique de tenir ton volant avec ta main droite et d'être vraiment concentré et d'avoir les vitesses à gauche, alors que là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on tient le volant par la gauche pas mal, puis on mm-hmm. met tous les vitesses avec la droite. Je sais pas si... Il y a comme un... Donc, en théorie, on serait, si on conduit de la main gauche et qu'on a la main sur les vitesses ouais. par la droite, on serait peut-être plus tenté, justement, de se tasser vers le trafic sans ouais. même s'en rendre compte. Mm-hmm. Mm. En tout cas, moi, je sais que mettons que je suis à pied, parce que, encore une fois, mes anecdotes ne sont que de piétons. Mais quand je suis à pied et que je regarde les autos passer, oui. je vais moi-même, instinctivement, je pense qu'on l'a tous déjà fait, commencer à marcher vers la rue sans oui. t'en rendre compte. Mais oui, on fait tout à fait. C'est bizarre. Puis on essaie toujours aussi de marcher à contresens du trafic pour, bien évidemment, pas se faire frapper. Hein. Exact. Mathieu, je voulais te remercier, en fait, d'avoir pris comme 10 minutes de ta journée, de ta maladie. Parce que, disons-le, il n'y aura pas de Mathieu Plante show en direct. Il va y avoir, par exemple, rediffusion. Mais notre cher Mathieu est malade. Oui, ça va se coucher pas mal. Oui, c'est ça. Je suis ici comme pas mal dernière affaire de la journée que je vais faire, juste pour pouvoir, premièrement, passer du temps avec toi, parler d'autres choses que les trucs qu'on fait à Assemblage Requis, et pour mentionner le fait que je serai pas là à 15h, mais c'est pas grave, ça va être les 4e, 5e et 6e diffusion de l'émission de la semaine passée. Oui, puis sinon, on se retrouve demain matin dans Assemblage Requis. Oui, on verra bien ce qu'on va faire avec ça, mais oui, je vais être là. Ben oui, merci à beaucoup. À tous dans le micro. Fait plaisir, merci à toi. Merci. Et pour nous, bien, on va aller écouter une autre pièce musicale, un autre artiste complètement canadien que j'ai découvert, mon Dieu, ce matin. C'est Tim Moxham avec la pièce Soft Summer. Et au retour, on va faire le bilan de ce qui s'est passé dans le monde de la course automobile durant la dernière semaine. With a summer turkey love brought you to tears. But once your rain was fierce, now it seldomly appears. Sky's clear, the end is near, but your weather is strange. And so am I, dear. I close the drying on the line today. Soaking in the sun, they seem to wave, they seem to say. The grass is green, the trees are tall, and we should all enjoy this lovely day for your rain. Well, it's not so far away. 'Cause it's a soft summer, can't you feel the rain? It's falling from the sky once again. And it just won't go away. Your rain is here to stay. Well, my leaves, dear, seem all ready to dry. But the look upon your face, it's like the rain clouds in the sky. The seasons changed, so did I. Your weather is strange, and so am I. Now the lake is calm upon the island for sure. The storm is come and gone, your rain won't fall here anymore. Your leaves will dry, your limbs will try to get along. Oh, and though I may be wrong, you've already gone. And the winter is so long. 'Cause it's a soft summer, can't you feel the rain? Soft Summer, Tim Moxham. Je vous le disais, un artiste canadien. Allez faire un tour sur sa page Facebook. Il a sorti un album récemment et il va en sortir un nouveau en collaboration avec un autre artiste pour le temps des fêtes aussi. Alors, ça va être, j'ai comme l'impression, très, très le fun à écouter ça pendant le temps de Noël sur une peau d'ours. Ouais, c'est ça. OK. C'est le temps de jaser de ce qui s'est passé dans le monde de la course automobile dernièrement. En fin de semaine même, celle qui vient tout juste de passer, il y a plusieurs Canadiens et plusieurs pilotes, en fait, d'un petit peu partout dans le monde qui ont décidé de s'envoler ou de se déplacer tout simplement du côté de Las Vegas pour aller participer à la dernière manche du SCUSA. Et je vous explique, en fait, pourquoi la raison était très, très simple. C'est qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner là-bas. Et il y avait aussi un énorme calibre de pilotes en piste. On parle, entre autres, de certains pilotes d'IndyCar. On parle aussi d'anciens pilotes de Formule 1, anciens pilotes de NASCAR et bien évidemment les pilotes qui font jaser un petit peu partout à travers le monde à cause de leur talent en karting. Et c'est ce qu'a fait aussi Danny Formal pour une deuxième année consécutive. Danny Formal, qui est un... j'ai comme le goût de dire un ancien Américain. En fait, il est né au Costa Rica. Il est déménagé ici aux États-Unis il y a quelques années. Il est maintenant reparti depuis l'année dernière au Costa Rica. On a décidé de rouler dans le championnat KZ et Tag Senior et il a réussi à faire un tabac. On a réussi à mettre la main sur le championnat avec cette victoire qui était du côté de Las Vegas. On a aussi mis la main sur 26 000 $ pour Danny Formal. Alors on voit que du côté des États-Unis, c'est peut-être quelque chose qui est beaucoup plus d'envergure, le monde du karting, justement pour ça. On voit beaucoup de pilotes qui restent dans le monde du karting parce qu'il y a des bourses qui sont quand même très, très alléchantes du côté du monde du karting, mais en shifter, qui sont quand même assez différents de nous. On parle, entre autres, de tag senior. C'est dans cette catégorie-là que Danny Formal a réussi à mettre la main sur son chèque et aussi sur son titre de champion cette année. La semaine dernière, je vous avais parlé que le champion en titre, Gary Colton, dans la catégorie KZ, allait essayer de remettre la main sur le championnat. Malheureusement, c'est pas quelque chose qu'il a réussi à faire. Il y a eu accrochage en début de course, ce qui l'a recalé en 25e position. Et on croyait tous à un certain moment qu'il était tout simplement en train d'abandonner en bord de piste. Mais non, finalement, il a réussi à remettre la chaîne sur son kart et à repartir. On a terminé, si je me souviens bien, on a terminé 10e pour Gary Colton, ce qui a quand même été une très belle remontée tout au long de la course. Mais malheureusement, on n'a pas pu réussir à faire l'exploit qu'on espérait du côté de l'Américain. Et il y a aussi certains pilotes d'IndyCar qui, eux, ont vu à quel point retourner au début, c'était quand même assez difficile. Retourner aux sources, entre autres, c'est ce que faisait le champion du Indy 500 2016, Alexander Rossi, accompagné d'un de ses amis IndyCar, Connor Daly. Ils ont décidé d'embarquer dans cette aventure du SCUSA après que Connor Daly ait déjà participé il y a quelques années. Et après aussi, Alexander Rossi a repris contact avec son ancien coach du monde du karting, donc son premier coach lorsqu'il a commencé à faire la course automobile, qui est Matt Jaskol. Donc, ils ont tous les trois décidé d'embarquer dans cette aventure-là. Mais on le sait, pour le monde qui connaisse bien évidemment le circuit du SCUSA, qui est le nouveau circuit au Westgate Convention Center, c'est une piste qui est quand même assez difficile parce que c'est une piste qui est temporaire. C'est une piste qui est extrêmement bosselé aussi à un certain point parce que c'est dans un stationnement. Donc, sur les pilotes, ça démontre une certaine habileté aussi pour tous les pilotes qui sont constamment dans des événements comme ça du côté des États-Unis. Tandis que lorsqu'on décide de faire le saut dans le monde des formules, c'est ce qu'expliquait Alexander Rossi dans une vidéo quand même assez humoristique en fin de semaine sur la page Facebook de son coach, c'est qu'il expliquait, lorsqu'on décide de faire le saut dans le monde de l'automobile, dans le monde de la monoplace, on a comme cet effet qui est beaucoup moins difficile sur le corps en entier. Le karting, c'est difficile parce que c'est très, très bas et on absorbe absolument tous les coups que l'on ressent et que le kart ressent aussi, tandis que dans une voiture, c'est différent. On va ressentir certains coups aussi, mais ça va être beaucoup moins difficile à absorber comme coup. Alors de ce côté-là, les pilotes d'IndyCar ont peut-être un petit peu plus eu de difficultés que ce qu'ils espéraient, mais ça a quand même été une expérience hors du commun pour eux, surtout Surtout pour Alexander Rossi qui disait espérer pouvoir y retourner l'année prochaine parce qu'il a beaucoup apprécié l'événement. C'était très bien fait et il y avait un nombre assez remarquable de pilotes en piste. On parle des grilles après les qualifications de dernière chance, des grilles entre 35 et 45 pilotes. Sinon, dans les qualifications, on pouvait être jusqu'à 50. Donc, du côté de Las Vegas, c'est un événement qui amène vraiment tout le temps beaucoup de gens. Et il y en a un de chez nous. Un de nos Québécois qui a beaucoup fait parler, terminé vice-champion mondial dans la catégorie Rotax. Et là, on décide de participer au SCUSA, mais dans une catégorie totalement différente. On décide de s'en aller en mini Swift parce que on le sait, du côté de Las Vegas, il n'y a pas de moteur Rotax, donc c'est différent de ce que nous, on connaît ici. Et Thomas Neveu a décidé de faire le saut avec 16 autres pilotes durant la fin de semaine et il a réussi à mettre la main sur le titre de vainqueur de l'épreuve. Ça, c'est une première pour un Québécois, il faut le mentionner. Il est âgé simplement de 11 ans, ça aussi, il faut le mentionner. Donc, de ce côté-là, Thomas Neveu, je pense qu'il en a surpris une couple cette fin de semaine après avoir mis la main sur le titre de vice-champion mondial en Rotax. On arrive à Las Vegas, première tentative à Las Vegas, 76 pilotes en piste, on met la main sur le trophée de la première place. Je ne sais pas si vous entendez, là, mais ça vaut une main d'applaudissement. C'est une épreuve aussi qui est très, très difficile parce que les jeunes sont téméraires. Les jeunes, la plupart, vont penser qu'une course peut se gagner dans le premier virage. Oui, c'est quelque chose qui arrive quand même assez couramment dans le monde du karting. Mais Thomas Neveu a resté quand même calme tout au long de la fin de semaine. Il a mis les efforts aux bonnes places. Et le travail entre lui et son coach trifluvien, Dan Saint-Germain, fonctionne à merveille. Ça fait maintenant des années qu'ils sont ensemble et on peut le voir, c'est une équipe qui fonctionne, c'est une équipe de vainqueurs. Alors de ce côté-là, Thomas Neveu a réussi à faire parler du Québec, du Canada et surtout de lui pour une deuxième fois en 2016. On est très, très fiers, il faut le dire. On va essayer à un certain moment durant l'année prochaine, lorsqu'on va revenir du congé des fêtes, de pouvoir soit discuter avec le coach ou soit discuter avec le pilote. Ça, je vous le garantis. Cette fin de semaine, c'était aussi la dernière course du championnat en NASCAR Sprint et Jimmy Johnson a réalisé un exploit quand même assez mémorable avec 7 titres en poche. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, merci. Donc, la prouesse qui a été réalisée par Jimmy Johnson et son équipe dimanche du côté de Hampstead à Miami le place définitivement parmi l'un des plus grands du sport automobile, il faut le dire comme ça, qu'on aime ou pas le stock car américain ou qu'on aime ou pas le stock car point, il faut mettre Jimmy Johnson dans les pilotes qui sont dans les plus remarquables. On s'entend, c'est 7 titres acquis en NASCAR Sprint Cup. C'est à mettre à un pied d'égalité avec les autres grandes performances de l'histoire. Je pense que ce soit les Michael Schumacher de ce monde, que ce soit les Sebastian Vettel, que ce soit les Lewis Hamilton, pour ne dire que ceux en Formule 1, ça c'est sans oublier bien évidemment ceux qui sont du côté du rallye en Europe. Il faut réussir à comparer Jimmy Johnson aux exploits des autres grands pilotes de ce monde. Il y a deux autres légendes du stock car qui ont réussi à remporter 7 titres en Cup. On parle de Richard Petty et de Dale Earnhardt, le père et non pas junior. Donc, on parle d'un palmarès assez exceptionnel. Et grâce à ça, Jimmy Johnson n'est pourtant pas très aimé des fans. On se demande pourquoi. C'est parce qu'il vient de la côte ouest des États-Unis et parce que les fans jugent qu'il possède une personnalité qui est quand même assez effacée, qui demeure calme en toutes circonstances, qui dit pas un mot plus haut que tous les autres autour de la piste, qu'il vit une petite vie quand même assez rangée, mais surtout qu'il gagne grâce à un crew chief au talent remarquable qui est Chad Knauss, qui sait parfois bien exploiter les minuscules petite faille du règlement technique. Donc, c'est pas le plus aimé des pilotes en NASCAR, mais il faut lui avouer que c'est un des plus remarquables avec 7 titres au championnat maintenant. C'est, euh, C'est quelque chose d'exceptionnel. Il faut reconnaître le talent de chacun des pilotes dans le monde de la course automobile, peu importe la discipline, que ce soit en DTM, que ce soit en rallye, comme je le disais tout à l'heure, ou encore en enduro. C'est quelque chose qu'il faut commencer à comprendre. Je pense que dans le monde de la course automobile, peu importe la discipline, une prouesse ou un exploit, c'est un exploit et il faut être capable d'en juger de façon quand même assez globale malgré la discipline. Au retour, on va parler d'un pilote, pas nécessairement d'un pilote, non, on va parler de quelqu'un, un autre Québécois qui a fait jaser cette année, on va parler de Raphaël Saint-Charles qui, lui, n'est pas un pilote. Au retour. On vient tout juste de le dire, on va parler d'un jeune Québécois, d'un jeune trifluvien de 22 ans qui fait parler de lui, non seulement dans le monde de la course automobile, mais aussi dans les exploits de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, au retour, on va parler de Raphaël Saint-Charles. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, on va aller écouter Chad Brownlee avec la pièce « Something We Shouldn't Do ». Maybe I've been drinking some I really shouldn't drink. And I'm halfway through seven numbers I know I shouldn't call. And I've been playing that song I don't know better than to play. When you pick up that phone, I'll say something I shouldn't say. Hey, baby, do you miss me tonight? Hey, do you wanna get wrong just right? Let's make a mistake and let's make a few. And maybe do something that we shouldn't do. Baby, something that we shouldn't do. About to turn down the street, I swore I'd never go back down. About to cross the bridge, iron should have burned by now. About to knock on a door, we really ought to keep close. Trying to piece back together something that's better off broke. Hey, baby, do you miss me tonight? Hey, do you wanna get wrong just right? Let's make a mistake and let's make a few. And maybe do something we shouldn't do, baby. Something that we shouldn't do. « Something We Shouldn't Do, Chad Brownlee, qui lui aussi est un artiste canadien en passant. J'aime bien les mettre de l'avant petit à petit comme ça. Si jamais il y a quoi que ce soit, je vous le répète, je vais essayer de mettre toutes les chansons qui ont joué durant l'émission aujourd'hui sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin. Alors, si jamais vous cherchez quoi que ce soit, ce sera disponible après l'émission sur la page Facebook. Voilà. C'est maintenant le temps d'en parler, là, parce que ça fait comme deux fois que je vous tease avec ça, que je vous titille un petit peu l'intérêt, à savoir pourquoi est-ce que un gars qui est pas nécessairement un pilote peut faire parler comme ça autant. Je vous parle de Raphaël Saint-Charles, qui est un jeune de 22 ans d'ici de Trois-Rivières, qui a travaillé chez PSL Karting et qui a étudié à l'UQTR. Il a réussi à faire quelque chose qui est quand même un exploit québécois. J'ai le goût de dire exploit parce que c'est quelque chose de gros quand même. Et aussi pour l'UQTR, donc, il a réussi à avoir un stage à un endroit où personne n'avait encore réussi à avoir un stage. Peut-être par, je sais pas moi, manque d'intérêt, tout simplement. Peut-être que c'est pas assez connu. Mais Raphaël Saint-Charles étudie en médecine ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières et il a réussi à mettre la main sur un stage à la Formula Medicine. Qu'est-ce que la Formula Medicine? Eh bien, c'est une... On l'aura deviné, là, c'est une équipe, c'est un bâtiment qui est du côté de l'Italie et qui se spécialise dans le développement et dans l'entourage du développement des pilotes de peu importe la catégorie, je tiens à dire, peu importe la discipline des pilotes dans le monde. Donc, il y en a plusieurs qui vont, bien évidemment, arriver du monde du karting, qui vont arriver à la Formula Medicine pour avoir, justement, un encadrement bien spécifique à savoir qu'est-ce que l'on doit faire. Comment est-ce que c'est arrivé tout ça, la Formula Medicine, pas pour Raphaël Saint-Charles, mais bien en tant qu'institut? C'est arrivé en 1989 lorsque le docteur Ricardo Cicciarelli, voilà, a commencé sa carrière comme un docteur en Formule 1. Il a été quand même assez surpris et surtout déçu de voir à quel point il y avait beaucoup moins de comparaison avec les autres sports par rapport à l'approche qu'on avait avec les équipes, avec les pilotes en termes de fitness, en termes d'entraînement pour les pilotes qui étaient dans le monde de la course automobile. Donc, à la suite de cette constatation-là, on a décidé de tout simplement construire, de bâtir la Formula Medicine qui a été formée et qui a été une création pour justement arriver à faire avec le monde du sport automobile quelque chose comme, par exemple, l'entraînement d'un joueur de hockey. C'est exactement un petit peu la même chose que l'on va faire avec un joueur de hockey dans sa structure, dans son entraînement, dans son encadrement par rapport à ce qu'il doit faire pour justement pouvoir mettre un pas de plus vers l'avancement de sa carrière. Donc, on a décidé de faire ça du côté de l'Italie et aujourd'hui, ce qui est le fun à savoir, c'est que la Formula Medicine a une équipe de docteurs, de psychologues, d'entraîneurs de fitness et de nutritionnistes et beaucoup d'experts dans le monde du sport automobile, à savoir ceux qui peuvent justement amener quelque chose, par exemple au niveau de la motricité, au niveau de la concentration, au niveau de tout ce qui est justement entraînement, qu'est-ce que je dois faire pour développer telle et telle chose. Donc, tout ça se passe du côté de l'Italie avec la Formula Medicine et Raphaël Saint-Charles est le seul Québécois à avoir réussi à se rendre là pour justement aller travailler avec ces fameux pilotes-là à la suite d'avoir travaillé avec PSL Karting et de faire ses études. Il y a juste un but, c'est d'aller travailler à la Formula Medicine et il a réussi quand même à mettre la main sur ce stage-là. Alors, c'est quelque chose de... Moi, j'ai vraiment le goût de dire une espèce de prouesse, un exploit, que de voir que des Québécois et de voir des trifluviens aussi pouvoir justement mettre un pas de plus vers une carrière qui n'est pas nécessairement juste du pilotage. Souvent, on va parler dans le monde du sport automobile, un pilote comme étant un athlète en part entière, mais lorsqu'on décide d'en faire une carrière, lorsqu'on décide qu'on veut passer soit du côté du karting professionnel ou soit qu'on décide justement, comme par exemple Lance Stroll, qui lui aussi a déjà été faire un tour à la Formula Medicine, de se dire « ça me prend un encadrement X, ça me prend un entraîneur, ça me prend un psychologue, justement. Ça me prend quelqu'un qui va m'aider avec ma concentration, ma motricité, tout ça. C'est souvent là qu'on va justement appeler, savoir comment est-ce que ça se passe. Du côté de l'Europe, ça se voit beaucoup. Il y a plusieurs pilotes de l'équipe. J'ai goût de dire l'écurie, là, CRG, dans le monde du karting, qui justement font affaire là, avec la Formula Medicine, qui s'y rendent quand même assez souvent pour justement faire des ajustements par rapport à leur entraînement, discuter avec des experts à quoi améliorer, qu'est-ce que l'on peut faire du côté nutritif. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment cool de voir qu'un Québécois peut justement se rendre en Italie, mettre un pas de plus dans sa carrière, de son but aussi. Et j'ai discuté avec Raphaël à plusieurs reprises, aussi avec son père qui est extrêmement fier. On peut pas le mettre de côté. C'est quand même une fierté de voir ça. Et Raphaël me disait, j'ai juste un but et je suis dans le monde de la course automobile depuis que je suis quand même tout jeune. Alors, j'ai vraiment juste voulu aller chercher le stage que je voulais. J'ai fait la demande parce que j'avais eu la chance d'aller visiter la Formula Medicine l'année d'avant. J'ai rencontré des gens en ayant travaillé pour CRG du côté de l'Italie. Je me suis fait des contacts et c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à mettre la main sur ce fameux stage-là. Alors moi, je lui souhaite la meilleure des chances pour après les études, parce qu'on termine cette année du côté de Raphaël. Alors de ce côté-là, c'est cool de voir ça, qu'un Québécois peut justement se rendre là où il veut, peu importe où c'est. Moi, je pense que ça valait une mention spéciale. Alors Raphaël Saint-Charles, c'est ma mention spéciale de l'émission d'aujourd'hui. Et il y a aussi une organisation canadienne, mais à la base, qui est pas mal plus québécoise que canadienne, il faut le dire. C'est la Coupe Nissan Micra qui a aussi fait jaser durant les derniers temps. C'est parce qu'en fait, la Nissan Micra est associée avec The Motorsport Agency, qui est une agence spécialisée dans le monde de l'automobile, dans le monde du sport automobile, vous l'aurez bien deviné, qui est située à Toronto. Et on a décidé de lancer des recherches pour trouver un pilote pour la Coupe Nissan Micra 2017. Donc, je vous explique, c'est un programme qui s'appelle Driver Search 2017 de l'agence Motorsport, et ça a été lancé un petit peu plus tôt cette semaine, et on est à la recherche d'un des prochains pilotes de la Coupe Nissan Micra. Donc, Nissan a annoncé son appui au tout premier programme de recherche de pilotes, une initiative qui a été lancée par l'agence de Torontoise, et c'est une entreprise spécialisée dans la gestion, la promotion de talents, et vous l'aurez deviné, en sport automobile, bien évidemment. Et l'agence a annoncé le Driver Search 2017 à l'occasion de l'épreuve de karting qui se déroulait à Las Vegas. Donc, si vous étiez sur les réseaux sociaux et que vous étiez justement en train de suivre ce qui se passait du côté de Las Vegas, vous avez vu passer justement des hashtags ou des tags de la part de l'agence Motorsport, comme quoi justement il y avait une espèce de recherche du côté de la Nissan Micra. C'est un premier concours de la sorte au Canada, le Driver Search 2017. C'est ouvert aux participants canadiens et américains qui vont évaluer les habiletés, le potentiel de chaque candidat en vue de participer à la Coupe Nissan Micra. Donc, en fin de semaine, du côté de Las Vegas, on était un petit peu en train de faire du repérage du côté de l'agence, à savoir quel pilote est-ce qu'on pourrait justement aller titiller comme ça pour faire partie de la Nissan Micra cette année. C'est aussi, on parle, le gagnant va remporter les services d'une équipe technique, donc de Motorsports in Action, et pilotera une Nissan Micra de course engagée, entre autres, par The Motorsports Agency au sein de la Coupe Nissan Micra, la série de courses la plus abordable au Canada, hein? Faut quand même en parler. Donc, je trouve ça quand même cool. Les candidats vont être évalués selon différents critères, notamment leur palmarès en course sous la forme d'un curriculum vitae traditionnel. On va devoir postuler pour ce poste-là, j'ai comme l'impression. On va aussi parler des marques personnelles qui sont jugés par l'entremise des médias sociaux. On va essayer d'évaluer aussi en personne par des représentants de l'agence lors d'importantes épreuves. On cherche entre autres des pilotes de karting qui pourraient justement faire le saut. On se rappelle, on en avait discuté avec avec Olivier Bédard un petit peu plus tôt cette saison, mais c'est quelque chose qu'on a vu durant l'année dernière. On a vu la Coupe Nissan Micra justement s'intéresser à ce développement-là à la suite des pilotes dans le domaine du monde du karting. On a décidé de justement créer peut-être une relève qui était autre que la monoplace. Ça a commencé tout ça avec Olivier Bédard. Il y a Kevin King aussi qui arrive du monde du karting. On en a vu d'autres, entre autres Nathalie Quentin qui avait participé à une épreuve du côté de Mont-Tremblant. Il y en a quelques-uns qui étaient dans la mire cette année et on voyait justement cette espèce d'engouement-là des pilotes en karting de pouvoir dire « Ah, mais c'est le fun! » Parce que ça nous amène une série où on pourrait justement, après le karting, quand même continuer pour un prix qui est tout à fait abordable. Donc, après des discussions avec différentes séries de courses, l'agence a jugé que la Coupe Nissan Micra représentait la meilleure occasion pour les jeunes pilotes prometteurs de faire une transition quand même tout en douceur. Du domaine du karting à une série monotype et au-delà de cela, la façon dont leur caractère progresse ensuite. Et c'est ce qu'a indiqué la chef de stratégie d'entreprise et d'expansion à la Motorsport Agency, Giuliana Ciovitti. Et en tant qu'ancienne pilote de course elle-même, issue d'une famille enracinée dans le milieu de la course automobile, elle est quand même ravie de pouvoir contribuer à l'éclosion d'un jeune talent dans le domaine du sport automobile grâce à ce fameux programme-là. Donc, pour participer, je vous donne quelques détails. Les candidats doivent être titulaires d'un permis de course canadien ou américain qui est bien évidemment valide. Et pour vous inscrire, vous avez simplement à visiter le site qui est en anglais de motorsportsagency.com et cliquez sur l'onglet Driver Search. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre ça sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin si vous cherchez. Et la date limite d'inscription est le 20 mars 2017. Donc, si jamais vous voulez participer vous-même ou vous voulez, transmettre le curriculum vitae d'un de vos amis en karting, c'est quelque chose que vous avez l'opportunité de faire. Et par la suite, l'agence va communiquer avec les candidats qui vont avoir été sélectionnés pour qu'ils puissent prendre part à une épreuve qui va viser justement à déterminer le finaliste et le gagnant sera officiel à partir de mai 2017. Donc, ne vous inquiétez pas, ne partez pas en peur. Tous les détails vont être remis sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin d'ici une heure après l'émission. On va faire une courte pause musicale. On va aller écouter Lindsay Hell et avec la pièce All Right. Et au retour, on va parler de ce qui s'est dit sur le monde des médias sociaux cette fin de semaine. Sometimes rain just falls through a little crack in the road. All Right, Lindsay Hell, qui elle aussi est une Canadienne. Ça aurait été des chansons entièrement canadiennes pour l'émission d'aujourd'hui. On y va en rafale pour ce qui s'est dit sur le monde de la course automobile, sur le domaine de la voiture aussi durant la semaine. On va commencer avec Pole Position et un article d'Eliane Gilin qui m'a titillé d'intérêt. En fait, le champion de Formule 1600, de Formule 1600 ici au Canada, qui est Trenton Estep, qui est un Américain en passant, va être invité au Road to Indy en début septembre. Comment est-ce que ça a fonctionné tout ça? Comment est-ce que ça s'est passé? Eh bien, c'est le lauréat de la série Formula Tour 1600 cette année, qui est Trenton Estep, 17 ans, qui va avoir la chance de participer à la course décisive pour gagner une bourse de la filière Mazda Road to Indy les 6 et 7 décembre prochains, alors qu'il va y avoir 19 pilotes qui vont représenter 11 pays différents et qui vont s'affronter sur le circuit de Laguna Seca. L'enjeu lors de cette course-là est une bourse de 200 000 $ pour participer à la série USF 2000, donc la Formule 2000 américaine, en 2017. Une saison complète dans cette série-là, ça peut coûter entre 200 000 et 275 000. Alors, la bourse que Trenton Estep pourrait remporter couvrirait la plupart des frais anticipés. Comme je viens de le dire, Trenton Estep a été champion de la Formule 1600 ici au Canada, mais il est américain. Ce qui est un petit peu inquiétant, c'est qu'il n'y a aucun Canadien qui va participer parce que le vainqueur, justement, de la série Formule 1600 est un américain, mais... D'autre part, il n'y a aucune association canadienne qui s'est montrée à déléguer un représentant. Donc, Team USA aura un pilote qui va justement lui aussi être à la course, en plus de Trenton Estep. Mais on a l'équivalence ici au Canada avec Team Canada. Mais l'organisation a préféré envoyer un pilote au festival Formule Ford en Angleterre plutôt que de s'associer au Mazda Road to Indy. On espère qu'un jour, le Canada va peut-être justement envoyer un autre pilote canadien à cette course-ci. Et il y a des pilotes de l'Inde, de la Nouvelle-Zélande, du Mexique, du Brésil, de l'Angleterre qui vont se joindre à Trenton Estep en décembre pour tenter de remporter la bourse qui pourrait lancer leur carrière au niveau professionnel du côté des États-Unis. C'est inquiétant, hein? Moi, j'aurais aimé ça, voir un Canadien y participer. Je suis un petit peu d'accord avec l'article de Pole Position ici, de savoir justement quand est-ce que le Canada va pouvoir justement ou va avoir la décision d'envoyer un Canadien à cette course décisive. Ça l'a sorti un petit peu partout sur Internet. C'est fait, les billets du Grand Prix de Formule 1 pour le Canada, pour le Grand Prix du Canada 2017 sont maintenant en vente. Donc, le promoteur du Grand Prix de Formule 1 du Canada annonce la mise en vente des billets de l'édition 2017. La vente de billets, en fait, était comme un petit peu... ambigu, disons ça comme ça. Et cette édition anniversaire des 9, 10 et 11 juin 2017 va célébrer 50 ans de Formule 1 au Canada. Ça commence demain, en fait, dès 9h, le 24 novembre 2016. Et pour cette occasion, les amateurs qui commanderont des places avant le 23 décembre prochain vont recevoir des billets au fini luxueux, véritables pièces de collection conçues pour célébrer un anniversaire spécial. Alors, Montréal et le circuit Gilles Villeneuve produisent un des grands prix les plus excitants de la saison. Et en 2017, les raisons d'y être seront encore plus grandes puisque ce sera l'occasion de célébrer, un, les 50 ans de la venue de la Formule 1 au Canada, mais aussi de voir pour la première fois Lance Stroll sur un circuit de Formule 1 en tant que pilote de Formule 1. Alors, non seulement il va s'agir de célébrer un anniversaire important, mais bien évidemment, avec la venue de Lance Stroll, on va avoir de plus en plus de bonheur de pouvoir voir pour la première fois en piste le jeune et talentueux pilote de chez nous. Et on est extrêmement... c'est François Dumontier, le président et chef de la direction du groupe de course Octane, qui dit qu'il est très, très heureux d'offrir à nouveau aux amateurs de vivre en grand nombre la tradition du Grand Prix de Formule 1. Sedez a déjà été actif sur le projet de la Formule électrique. On en avait déjà discuté. Mercedes était en repérage actif sur le circuit de Marrakech le week-end dernier, avec deux personnes clés et très expérimentées pour préparer sa potentielle entrée dans le championnat de monoplace électrique en 2018. Alors, on parle de Neil Martin et Steve Clark, qui sont responsables ingénierie de l'équipe Mercedes F1, qui était au Maroc pour rencontrer les officiels de la formule électrique et étudier les programmes opérationnels d'équipes existantes dans le cadre de la préparation pour un engagement prévu de la marque à l'étoile. Bien que le duo n'ait fait aucun commentaire sur sa mission, Motorsport.com pense qu'il menait une évaluation opérationnelle et stratégique de la compétition en Formule E. Motorsport.com peut également indiquer qu'ils ont passé la majeure partie de leur temps dans le garage ou les parages de l'équipe indienne Mahindra. L'équipe Mercedes actuelle championne du monde de Formule 1 avait annoncé en septembre qu'elle avait signé une option pour rejoindre la Formule électrique en 2018 et quand la feuille de route technique de celle-ci permettrait justement de ne plus utiliser qu'une voiture par pilote par course et l'électrification va jouer un rôle majeur dans l'avenir de l'industrie automobile. C'est ce qu'avait déclaré le directeur de Mercedes-Benz, Toto Wolff, en septembre. Et ça va rendre la Formule E très, très, très pertinente. On n'a encore pas vu des gens de Ferrari sur le circuit de Marrakech, mais on se souvient aussi qu'eux aussi regardaient dans les derniers temps pour justement pouvoir faire quelques essais du côté de la Formule 1. L'Américain Shelby Blackstock a annoncé ce matin qu'il va être de retour pour une troisième année consécutive en Indy Light, la série américaine qui est présentée par Cooper Tires. Et le pilote de 26 ans a décidé de faire un changement d'équipe. Il avait déjà roulé avec Andretti Autosports et on a décidé de changer pour Bellardi Auto Racing pour 2017. Alors, il est le deuxième pilote confirmé en Indy Light pour la saison prochaine. Et l'année dernière, il était accompagné de Dalton Kellett, le Canadien, oui, sachez-le, qui lui va continuer avec Andretti en 2017 et les autres confirmations vont continuer à arriver au fur et à mesure qu'on va s'approcher de Noël, j'imagine. C'est comme un cadeau de Noël, c'est comme notre calendrier de l'avant du monde de la course automobile. Donc, Bellardi en 2016 était associé avec Zach Vetch et Felix Rosenvitch. Les deux ont gagné 3 courses cette année et 6 courses où ils ont été quand même bien classés par rapport à toutes les autres équipes dans la série. Donc, pour Blackstock, on a déjà testé avec Bellardi en 2015. Le contrat a été fait dernièrement. On a tout simplement testé du côté de Schmidt Peterson Motorsports. On a fait quelques essais, on a discuté et on a tout simplement décidé de faire justement ce saut-là pour Shelby Blackstock. On a déjà testé en 2015. Ils ont beaucoup apprécié le pilote et même chose pour le pilote lui-même qui dit que pour la saison 2017, il va y avoir beaucoup de changements et beaucoup de défis à amener avec le changement d'équipe. Et un de ces gros changements là, c'est qu'il est très, très excité de pouvoir justement faire un changement complet d'équipe et de pouvoir participer avec Bellardi Auto Racing à la saison 2017. Voilà! Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe dans le monde de la course automobile. Pour nous, c'est déjà la fin de l'émission. C'est, comme je le disais en début d'émission, en fait, c'était la dernière avant le congé des fêtes. On devrait se retrouver vers la fin janvier, début février. On devrait avoir, à ce moment-là, un topo sur ce qui s'est passé dans le monde de la course automobile. Un petit peu moins d'envergure, parce qu'il se passe, bien évidemment, beaucoup moins de choses durant le temps des fêtes. Mais on va aussi beaucoup jaser du championnat américain du Florida Winter Tour, parce que ça s'en vient, c'est tout prêt, on peut pas s'en passer. Et nous, eh bien, on va se laisser et on se dit, oh mon Dieu, c'est triste, je m'en allais dire à la semaine prochaine, mais non, même pas en fait, on se dit à bon Noël et à la fin janvier. Au revoir tout le monde.